je chanterai devant les dieux. Je me prosternerai vers ton temple saint et je célébrerai ton nom. Car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Quand j'ai crié, tu m'as répondu, tu as fortifié mon âme. Ta bonté éternelle durera toujours. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. L'Éternel achèvera ce qui ta fidélité demeure à jamais. Même si je marche au milieu de la détresse, tu étends ta main pour me sauver. Ta bonté éternelle durera toujours. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Éternel achèvera ce qui me concerne. Don't